Pendant que ceux qui ont tout vu et qui connaissent tout donnent leurs avis douteux sur des plateaux où ils se connaissent tout. Vous les avez vus, vous les avez connus, le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. Ladies and gentlemen, at this time, we proudly present a tribute to the NBA. Here's to the NBA for bringing us so much fun. Here's to the NBA, because it's you that's number one. Here's to the NBA, and a slam dunk by Dr. J. Here's to the NBA, and Larry Bird is on his way. Here's to the NBA, and that Kareem is here to stay. Hot tonight. Here's to the NBA and the Boston Celtics in the group. Here's to the NBA. Philly's got some things to prove. Here's to the NBA and the LA Lakers making a move. There goes Magic. There goes Kareem. Here come the Lakers making me scream. Here's to the NBA and the LA Lakers number one. Here's to the NBA. Milwaukee. I'm making a run. Here's to the NBA. San Antonio won't be outrun. Los Angeles Lakers say they're here to stay. Number one. Number one. In the NBA. Here's to the NBA. And now, Bird, don't you get uptight. Break 1984. 1984, c'est la date du premier clash dans l'histoire du rap. Une sombre histoire de radio entre WBLS et l'émission Rap Attack contre Kiss FM avec Cool DJ Red Alert. Au milieu, on retrouve Roxane Chanté dans ce qu'on en appellera la guerre des Roxane. La nuit des temps, Radio Duo. What's special about this album? What's special about it is it's cleaned up a lot of things that should be cleaned up. But you know, I never cut album for Full Force before. It was kind of a challenge, you know. And it was nice to see them do things that I'd done before. I just remained humble, you know. The lyrics are very intelligent. Very intelligent. When I heard the lyrics, I say, you know, somebody got the head right. The beat different? The beat is things I did 20 years ago. What I did 20 years ago is what they're doing tomorrow. Good. février 1976, James Brown fait face à un public qui a tendu sophistiqué et lui se sent complètement paumé. Il regarde tout le monde et lance à bout de nerfs « Lève-toi de ce truc et danse jusqu'à ce que tu te sentes mieux !» Ça deviendra son plus grand hit des années 70, enregistré en deux prises directes. Voici le fantastique « Get up, offa, vat, thing » et c'est notre mantra ce soir. Et vous ? Vous êtes dans la nuit des temps. Bienvenue à tous, c'est Dirty Radio en live, la seule radio dotée du triple A. Et écoute ça, ça sort du four, c'est made in Brussels Zoo. Oh. Prépare ton lobe frontal et monte le son. Que tu sois dans la caisse, à la salle ou au taf, arrête tout, lève-toi et ambiance-toi. Car voici le nouveau Demps et Hamza. Sur ta radio, la seule unique, Dirty Radio. La radio sale, la radio noire. La nuit des temps, l'international de la danse. Yeah. C'était l'un des hits de 1964, Tainted Love, chanté par Gloria Jones. Gloria Jones, aujourd'hui 78 ans, qui aura composé des hits pour les Jackson 5 ou les Four Tops. Et ce sera aussi la copine de Mark Bolan des T-Rex, dont elle deviendra la claviériste et la choriste. Mais elle restera surtout pour ce Tainted Love, qui fera le bonheur de la New Wave, avec les Soft Cell en 1981. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on file à toute vitesse du côté de New York. À New York, en 2023, on entre dans un club de jazz. Un club de jazz qui joue de la house. C'est Léa Chilson, aka LP Jobby. Et oui, le jazz, la danse et le piano aussi, pour faire des percussions et des accords parfaits. La nuit des temps, Radio Dio. And day by day, sweetheart, I find these are the ties that bind your me. And day by day, sweetheart, I find all the ties that bind. LP Jobby a fait ses études musicales à Berkeley. Elle a surtout croisé Sophie Tucker qui la fera basculer tout doucement dans l'univers de la house. Elle a même créé le collectif Femme House après avoir bien vu et bien senti que les filles dans la house, ben, du côté de la production, bon, c'était pas ça. Conclusion, en 2023, elle remixe Taylor Swift. LP, Joby, et vous écoutez Radio Duo. Yeah. C'est quoi ton prénom? C'est quoi ton zebla? J'suis pas sur Tinder, j'suis pas sur Pesna. C'est quoi ton ID? C'est quoi ton number? C'est même pas pour moi, c'est le poteau là-bas qui m'a envoyé. Bon, j'avoue, c'est pour moi, j'ai plein de talent, mais j'suis pas vraiment dragué. Aya, aya, elle veut juste écouter. Aya, aya, baby. Aya, aya, elle veut juste écouter. Aya. Beaucoup de questions, comme si je subissais un interrogatoire. Viens dans le A45, c'est pas pour les permis probatoires. Avec des sillons, on refait le monde, on refait toute la planète. Elle veut pas refaire le monde, ce qu'elle veut refaire, c'est son derrière. Aya, aya, elle veut juste écouter. Aya, aya, baby. Aya, aya. Aya, on va se persuader qu'on s'oubliera jamais. Mais on va s'oublier, on va s'oublier. On va se persuader qu'on s'oubliera jamais. Mais on va s'oublier, on va s'oublier. On va, où tu veux. On va, où tu veux. On va. Tu veux, on va, où tu veux. Primero te diría que soy una caja de puzzles y maravillas. Y después, bueno, tendremos que esperar al resto. Go, whoa, whoa, whoa. The beat goes, whoa. La nuit des temps, l'international de la danse. Remember the rain, remember the sun, remember the seasons, winter's almost done. Frankie Gogo était batteuse de Bertrand Belin ou de John Padrich. Frankie Gogo mène la course en solo aujourd'hui avec quelques points dance comme ce Yeah de 2023. Et oui, nous sommes maintenant à Paris. Pourtant, ce pourrait être au milieu de la mer. Une mer inquiète et agitée. Nous sommes à bord de ce bateau disparu dans les années 70. Manu Reva. Mais en 2023, et c'est avec Frankie Gogo. tu abordais les côtes de Jamaïca. Oh, héroïque Manu Reva. Es-tu sur les récifs de Santiago de Cuba? Mais où es-tu, Manu Reva? Serge Gainsbourg, Alain Chamfort, Events Mag, 1979, 2016, Manu Reva. La nuit des temps, Radio Duo. Voici de retour auprès de notre power play de la semaine, c'est George Semper. Et George Semper est né à Trinidad, mais il fait son NBA. Il fait même son méga show NBA. Oh mais, on passe à la télé et nous sommes en 1984. Hey! Lucia. We are the Raiders, the mighty, mighty Raiders. We're gonna match the Rams in a mashed potato. Down to the 20-yard line. Puckett set again now. Third down, several inches to go. Puckett keeps the football, dives over his right tackle. First down, 10. Puckett back to pass again. This time he finds Biff Branch, his wide receiver. Mais oui, après le show télé de George Samper, qui était notre power play de la semaine, eh bien, c'est l'heure déjà de refermer tout doucement les portes de notre bon vieux club sur les sons de Steely Dan, revisité en 1973 par le disco jazz fusion de Deodato. Et une pensée pour David Sonborn, le saxophoniste, un peu dans la même mouvance, plutôt dans les années 80, qui a disparu il y a quelques jours. Et puis Steely Dan, dont nous allons retrouver les sons en bonus dans quelques secondes, comme d'habitude. Ça, c'est vraiment pour refermer tout doucement les portes. Steely Dan. Et dans Steely Dan, il y a Dan. Parce qu'une fois les portes de la nuit des temps refermées, exceptionnellement ce jeudi, avec une petite semaine de décalage, eh bien, nous redécollerons vers la stratosphère avec Dan. Dan sans Steely, mais avec toutes ses machines. Et promis, comme chaque mois, les jeudis soirs, Dan et ses machines avec un comme à la radio 100% free. Mais juste avant, nous allons célébrer celles et ceux qui sont venus sur le dance floor de la nuit des temps ce soir. Il y avait la clasheuse Roxane Chanté, le vétéran James Brown, un coucou de Damso, la formidable Tender Love, Gloria Jones, LP Jobby, Dinos et son Touloum, Lady Blackbird et Frankie Gogo, qui ne fait pas que marcher seul dans les rues de Paris la nuit. Il y avait aussi ce soir sur notre dance floor Alain Chamfort avec le remix d'Ivan Smag et The Organauts et leur géniale reprise de I Feel Love. Bientôt 22h sur Radio Duo. L'heure des bonus. de la nuit des temps, avec ce soir Steely Dan, et après comme à la radio. Alors c'est le moment, on lève les yeux vers les étoiles dans le ciel de Saint-Étienne, car ici Saint-Étienne, buona notte, salut. Il est 22h. heard it was you talking about a world where all is free. It just couldn't be, and only a fool would say that. Only a fool would say that. Only a fool would say that. Dans la mente, on tente les cigarettes. Cassius, I'm Cassius Clay. Regardless. His name's neither Cassius nor Clay.